إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. On continue donc, durant ce séminaire, la lecture et l'étude de ces épîtres sur le Tawhid, écrites par l'éminent savant, l'imam, le shaykh, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et l'épître que l'on va commencer à étudier aujourd'hui est intitulé « Six fondements, immense et profitable ». Le shaykh, rahimahullah ta'ala, a clarifié dans cette épître concise des bases essentielles de la croyance des salafs, des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et en même temps, il nous a mis en garde contre ceux qui s'opposent à cette croyance parmi les idéologies déviantes ou les méthodologies contraires au minhaj salafi, à la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et ces six fondements, en résumé, ce sont premièrement l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et la mise en garde contre ce contraire qui est le shirk, le polythéisme. Le deuxième fondement, c'est l'obligation de l'union en religion et l'interdiction de la division dans celle-ci. Le troisième fondement, c'est l'obligation de l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Le quatrième fondement, c'est une clarification de ce qu'est la science et de qui sont les savants et la mise en garde contre ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Dans le cinquième fondement, le shaykh rahimahullah ta'ala va nous exposer qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont ses ennemis parmi les hypocrites et les pervers. Et enfin, dans le sixième fondement, il réfute une ambiguïté établie par le diable afin que les gens délaissent le Qur'an et la sunnah. Donc comme vous le voyez, ces fondements sont d'une grande importance et ils méritent qu'on y accorde toute notre attention, car ce sont des points par lesquels les gens de la sunnah se distinguent et se différencient des gens de l'innovation et de l'égarement. Car comme l'ont mentionné certains savants, ces fondements sont un bref exposé de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et ils n'englobent pas l'ensemble des fondements de cette voie, mais six parmi les fondements les plus importants. Et de la même manière que les épîtres précédentes, on va voir ces fondements de manière concise et résumée, et on verra dans l'assise d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, les trois premiers fondements. Donc le shaykh, il commence tout d'abord par une petite introduction. Donc l'épître, elle se trouve à la page 47, pour ceux qui suivent avec le livret PDF. Il dit, rahimahullah, on compte parmi les choses les plus étonnantes, et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur, six fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. Donc comme vous le voyez, dans cette introduction, l'auteur, rahimahullah ta'ala, s'étonne du grand nombre de personnes qui se sont égarées au sujet de ces fondements, alors qu'ils sont exposés clairement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que parmi ce grand nombre de gens qui se sont égarés au sujet de ces fondements, il y a un grand nombre de personnes parmi ceux qui sont prétendus être cultivés et intelligents parmi les créatures. Ils ont donc dévié de la voie droite au sujet de ces fondements, malgré qu'ils soient clarifiés dans les textes du Coran et de la Sunna. On tire donc de cela deux bénéfices immenses. Le premier bénéfice, c'est que la guidée, elle ne s'obtient ni par l'intelligence, ni par la raison. Mais c'est simplement une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et tu n'as qu'à observer la situation des gens autour de toi. Combien de personnes intelligentes se sont égarées du droit chemin et leur intelligence ne leur a été d'aucun profit. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus intelligents, mais qu'Allah le prive de la vue des choses les plus évidentes. Et il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus sots et les plus faibles, mais qu'Allah le guide par sa permission vers la vérité sur laquelle les gens divergent. Puis il a dit, rahimahullah ta'ala, le serviteur a certes besoin qu'Allah lui fasse aimer la foi et qu'il lui fasse détester la mécréance. Sans cela, il se peut qu'il connaisse la vérité, mais ne l'aime pas et ne la veuille pas, et qu'il fasse ainsi partie des obstinés incroyants. Ceci est donc le sens rapproché et résumé d'une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le deuxième bénéfice, qui est tout aussi important, c'est que le grand nombre n'est pas un gage de vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas pris en considération ni comme argument ou preuve pour distinguer le vrai du faux. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a souvent blâmé dans son livre le grand nombre. Il a dit par exemple « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La plupart des gens. Et telle est la situation jusqu'à nos jours. La plupart des gens ne sont pas croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ » Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La majorité des gens sont pervers. » La majorité des gens ne raisonnent pas, la majorité des gens sont mécréants, et ainsi de suite. Donc tout ceci est une preuve que la majorité, elle ne te permet pas de savoir où se trouve la vérité. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné le petit nombre en faisant ses éloges. Il dit subhanahu wa ta'ala à titre d'exemple, « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ » Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ainsi que d'autres versets, c'est que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe qu'au jour de la résurrection, il y aura certains prophètes qui viendront avec quelques personnes, un autre qui viendra avec un ou deux hommes et un autre qui viendra sans suiveur. Tout ceci nous prouve clairement que la majorité ou le grand nombre, ce n'est en aucun cas une preuve de la vérité. Donc le nombre de suiveurs d'une personne, ou de suiveurs d'une idéologie, ou d'abonnés à la chaîne YouTube ou au compte Facebook d'une personne en avant dans la prédication, ceci n'est pas une preuve que cette personne est sur la vérité. Et encore moins une preuve que la voie sur laquelle il chemine est authentique. Mais le musulman, afin de distinguer le vrai du faux, il ne prend en considération que les preuves du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Même si les suiveurs de la vérité sont peu nombreux, peu importe. L'essentiel est que la voie sur laquelle tu chemines soit conforme à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunnah. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Le premier fondement est le culte exclusif voué à Allah seul sans associé, et l'exposé de son contraire qui est l'association à Allah. La plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement sous divers aspects dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. Et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. » Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous expose ce premier fondement, qui est le plus important des fondements. Le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et l'exposé de son contraire qui est l'association à Allah. Donc, comme on l'a vu précédemment, ceci est le sens même du premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. « Ash'hadu an la ilaha illallah » « J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah » subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu prononces cette parole, tu dois nécessairement vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que toute personne affiliée à l'islam prétendra être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est pris en compte, ce n'est pas les prétentions, mais c'est la réalité des choses. Et pour concrétiser ce fondement, afin de le réaliser comme il se doit, il est obligatoire pour toi d'apprendre comment vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le tawhid? Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'adoration? Beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce qu'est l'adoration. Il est important pour un musulman de connaître l'adoration ainsi que ses différentes formes, comme on l'a vu dans le passage sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala lors de notre étude des trois fondements, on a vu que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un certain nombre d'adorations qui échappent à beaucoup de personnes, comme l'espoir, la peur, la crainte, l'imploration d'aide, l'imploration de secours, et ainsi de suite. Donc le musulman lui incombe d'apprendre cela, afin de pouvoir vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, il est indispensable que tu apprennes qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, quelles sont ses formes, quelles sont ses catégories, majeures et mineures. Car si tu ne connais pas ce qu'est le shirk, alors il ne sera pas possible pour toi de t'en préserver. Et alors, tu risqueras de tomber dans celui-ci, sans même t'en rendre compte, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et c'est donc la connaissance de ces questions, la connaissance du tawhid, la connaissance du shirk, qui manque à beaucoup de gens parmi ceux que l'on qualifie comme étant intelligents ou cultivés. C'est donc leur ignorance sur ces points qui les a conduits à l'égarement au sujet de ce fondement. On voit donc à travers cela, une fois de plus, l'importance de l'étude de la science de manière générale, car ceci est une obligation pour tout musulman, d'apprendre cette science qui fait partie des sciences obligatoires, que nul n'est censé ignorer, et plus particulièrement l'importance de l'étude du tawhid et de son contraire, qui est le shirk, afin de pouvoir s'en préserver. Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc, la plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement sous divers aspects dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. En effet, le Coran, dans son intégralité, de son début à sa fin, il nous expose qu'est-ce que le tawhid, l'importance du tawhid, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, selon le sens rapproché de sa parole, chaque verset du Coran indique l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et appelle et invite à cela. Ensuite, il nous mentionne qu'est-ce que l'on trouve dans le Coran. Il nous dit le Coran, ce sera soit des versets nous parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ses noms et de ses attributs. Et ceci est l'unicité dans les noms et attributs, ainsi que l'unicité dans la seigneurie concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, le Coran sera des versets appelant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et à se désavouer de l'adoration de tout autre que lui. Et ceci est l'unicité dans l'adoration. Ensuite, tu trouveras une troisième catégorie de versets qui seront quoi? Des ordres ou des interdictions. Et ceci fait partie des devoirs qu'implique nécessairement le tawhid. Car comme on a vu, il fait partie des conditions de la ilaha illallah, al-inqiyad, la soumission. C'est-à-dire que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et que tu te soumettes à ses interdits en t'en éloignant. Ceci fait partie de tes devoirs impliqués par le tawhid, par le fait que tu vois un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième type de verset que tu trouveras dans le Coran, ce sera des versets t'annonçant la récompense, la bonne rétribution, la manière dont seront honorés ceux qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs monothéistes. Ceci est donc également lié au tawhid. Et enfin, le cinquième type de verset que tu trouveras dans le Coran, ce sont des versets qui t'avertissent contre le châtiment, la sanction, et comment seront avilis les gens qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une mise en garde contre le contraire du tawhid, qui est le shirk. Donc si tu médites sur cela, tu verras que l'ensemble du Coran, du début à sa fin, traite en réalité de ce sujet qui est la base de notre religion et son fondement le plus important, qui est le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de se désavouer de l'adoration d'autre que lui. À titre d'exemple, nous n'avons qu'à mentionner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Il ne nous a pas été ordonné seulement d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, « مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا » En lui vouant un culte exclusif, en étant hunafa, qui est le pluriel de hanif, en se dirigeant vers Allah et en s'écartant de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez nul autre que lui. Également, on peut citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, lorsqu'il dit Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il me donne un associé, alors je le délaisse lui et son polythéisme. Lui et son associé. On voit que ce hadith est un hadith très clair qui peut être compris par toute personne. Et il y a de nombreux versets et de nombreux hadiths à ce sujet. Et malheureusement, ces textes, ils ont échappé à grand nombre de personnes parmi ceux qui sont désignés comme étant les doués de raison ou les gens cultivés et intelligents parmi les enfants d'Adam. Et c'est pour cela que nombre d'entre eux sont tombés dans le polythéisme sans même s'en rendre compte. Et pire encore, certains appellent même à ce polythéisme. Wala'yadu billah. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire lorsque l'ignorance s'est propagée et que les gens se sont détournés de l'apprentissage de l'islam authentique sur lequel était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'ils ont été plongés dans l'ignorance, qu'ils se sont écartés de l'apprentissage de la science, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. Et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. C'est-à-dire que si tu te diriges aujourd'hui vers des gens, parmi les adorateurs de tombes par exemple, et que tu tentes de leur expliquer qu'il n'est pas permis de faire le tawaf, la circumambulation autour des tombes, qu'il n'est pas permis de sacrifier pour les morts, qu'il n'est pas permis de se frotter à ces tombes pour rechercher la bénédiction, qu'il n'est pas permis de se prosterner devant ces tombes, qu'il n'est pas permis d'invoquer les morts, et ainsi de suite. Tu les appelles donc à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ces formes de polythéisme. Qu'est-ce qu'ils te diront, pour la plupart d'entre eux, qu'en faisant cela, tu dénigres les saints, tu les déprécies et tu négliges leurs droits. C'est-à-dire que pour eux, le diable leur a fait paraître le shirk, l'association à Allah, sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. C'est-à-dire que pour eux, pour aimer les saints, pour donner leurs droits à ces serviteurs vertueux comme ils le prétendent, eh bien, ils doivent être invoqués en dehors d'Allah, doivent se prosterner devant leur tombe, sacrifier devant leur tombe, faire le tawaf autour de leur tombe, et ainsi de suite. Et ce, car ils n'ont pas distingué entre le tawhid et le shirk. Et le point le plus important au sujet duquel ils se sont égarés et qui les a menés à cette idéologie déviante, relevant de la mécréance et du polythéisme, c'est le fait qu'ils n'ont pas distingué entre l'amour en Allah et l'amour avec Allah. En effet, l'amour en Allah, ceci fait partie des droits des serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour nous d'aimer les gens pieux en Allah, d'aimer les serviteurs vertueux en Allah, d'aimer les savants en Allah, et ainsi de suite. Toutefois, il ne nous est pas permis de les aimer avec Allah. Et c'est sur ce point-là qu'ils se sont égarés. Car ils ont aimé ces pieux, ces morts, ces mausolées, de la même manière que l'on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils les vénèrent, qu'ils les craignent, qu'ils ont peur et espoir en eux, qu'ils placent leur confiance en eux, qu'ils les invoquent, qu'ils implorent leur secours, qu'ils implorent leur aide. Certains pensent même que ces morts ont un pouvoir d'agissement sur l'univers, qu'ils sont capables de les guérir lorsqu'ils sont malades, qu'ils sont capables de les secourir lorsqu'ils sont en danger, et ainsi de suite, comme on l'a mentionné hier, lors de l'étude des quatre règles. Ils ont donc inversé la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ils ont considéré le tawhid comme étant une manière de dénigrer les saints, et ils ont considéré le shirk comme étant une manière de manifester leur respect et leur amour envers les saints. Et c'est ainsi qu'ils se sont égarés. Wallahu musta'an. On voit donc à travers cela, une fois de plus, l'importance pour la personne d'apprendre ce qu'est le tawhid de manière détaillée, de ne pas se contenter de généralité, de ne pas se laisser leurrer par ces personnes et ces prédicateurs au mal qui veulent vous faire croire que le tawhid est une chose acquise, que la communauté a compris la croyance, que la communauté est unie sur la croyance authentique. Tout ceci, ce sont des appels à l'égarement. Car si le tawhid était compris, la situation ne serait pas telle qu'elle l'est aujourd'hui, Allah al-Musta'an. Mais la personne, elle doit sans cesse apprendre le tawhid, car ceci n'est jamais acquis. Et médite à ce sujet sur la situation d'Ibrahim alayhi salam, qui a fait cette invocation alors qu'il est l'imam des monothéistes, celui qui a cassé les statues de sa main. « Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam » « Et préserve-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des statues. » Il les a cassés de sa main. Malgré cela, Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'implore de le préserver ainsi que sa descendance de l'adoration des statues. Donc qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Il n'y a pas de doute que le musulman, il lui convient sans cesse de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver du polythéisme et de ne jamais se sentir à l'abri. Et pour cela, il est nécessaire que tu apprennes qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Et que tu fasses beaucoup d'efforts dans cela, comme en étudiant ces épîtres et d'autres encore, et en les relisant et les révisant sans cesse. Ne pas penser qu'après ces séries de cours, tu auras compris toutes les questions liées au tawhid et que ceci sera acquis. Mais une fois que tu auras terminé cette série, reprends-en encore une autre, réécoute une autre série, et ainsi de suite. Lis le livre de l'unicité, lis les commentaires des savants. Sans cesse, tu t'instruis au sujet de cette science qui est la base fondamentale de notre religion sur laquelle reposent tous les autres fondements. Car comme on a dit, si cette base est absente, le reste n'aura aucune valeur. Car les actes de la personne sont vains s'ils ne sont pas basés sur une croyance authentique. Ceci est donc le premier fondement que nous a exposé l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il dit, le deuxième fondement est qu'Allah a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division dans celle-ci. Il a expliqué cela de façon suffisante, comprise par les gens ordinaires. Ceci est donc le deuxième fondement que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous expose ici, et qui fait partie des plus grands fondements de l'islam, de manière générale, et plus particulièrement des plus grands fondements des gens de la sunna et du groupe as-salafiyoun. L'union dans la religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. Le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a exposé cela dans son livre de façon suffisante, comprise par les gens ordinaires. C'est-à-dire que les versets sont des versets simples et faciles à comprendre. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre de manière très explicite, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Est-ce qu'il y a plus explicite que ce verset? Est-ce que ce verset a besoin de clarification ou d'explication pour une personne douée de raison? Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Il y a peut-être un mot qui nécessite une explication. Le câble d'Allah. Qu'est-ce que le câble d'Allah? Les gens de science ont dit, le câble d'Allah, c'est la religion d'Allah. Cramponnez-vous tous ensemble à la religion d'Allah. Cramponnez-vous tous ensemble au livre d'Allah. Cramponnez-vous tous ensemble à la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci ce sont des sens qui paraissent différents mais qui reviennent tous à une seule et même chose, c'est-à-dire cramponnez-vous tous ensemble à ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne soyez pas divisés, c'est-à-dire ne vous divisez pas dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne vous divisez pas en groupes et en sectes, comme l'ont fait les communautés qui vous ont précédé. On voit donc que ce verset, c'est un ordre très clair et très explicite d'Allah, subhanahu wa ta'ala, concernant l'obligation de l'union en religion et de l'interdiction de la division dans celle-ci. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que cet ordre, il s'est répété dans de multiples versets. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Ce verset également est très explicite concernant l'interdiction de la division en religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique même que cette division sera une source de notre faiblesse. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et il dit subhanahu wa ta'ala, nous indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ceux qui ont divisé la communauté en secte. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en secte, de cela tu n'es responsable en rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent d'eux. Ce sont eux qui se sont détournés de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah, au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et cet ordre, l'ordre de s'unir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se diviser dans celle-ci. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux messagers et aux communautés qui nous ont précédés. Il dit subhanahu wa ta'ala, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Allahu Akbar. On voit donc que ce fondement, il a été exposé très clairement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces versets, ils nous prouvent qu'il est obligatoire pour nous de nous unir en religion et de ne pas nous diviser dans celle-ci. Car il y a un grand mal dans la division. Ensuite, le Cheikh, rahimahullahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et ont divergé avant nous et qui ont ainsi péri. Comme on vient de le voir dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe que la division elle mène à la faiblesse. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, il a mentionné qu'il a ordonné aux musulmans l'union dans la religion et leur a interdit de se diviser dans celle-ci. Et ceci est encore plus clair avec ce qui est rapporté dans la sunna comme chose étonnante à ce sujet. En effet, cet ordre, il n'est pas venu seulement dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il est aussi venu dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne le méprise pas. La piété est ici. » Et il indiqua sa poitrine. Et il suffit comme mal pour le musulman de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour le musulman. Son sang, son honneur et ses biens. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous espionnez pas et n'enchérissez pas sur les ventes les uns des autres, mais soyez des serviteurs d'Allah vous comportant comme des frères. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, « Le croyant est pour le croyant, comme l'édifice dont une partie supporte l'autre. » Et il dit de manière très claire et très explicite encore dans un autre hadith, « L'union est une miséricorde et la division un châtiment. Soyez unis, accrochez-vous au groupe et prenez garde à la division. » On voit que tous ces hadiths, ils nous montrent clairement l'obligation pour nous d'être unis autour de la religion et de ne pas nous diviser dans celle-ci, et que le musulman doit s'éloigner de tout ce qui cause de l'animosité et de la haine entre eux, mais qu'ils doivent se comporter entre eux comme des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même encouragé dans de nombreux hadiths à multiplier les efforts pour concilier entre les croyants. Il dit sallallahu alayhi wa sallam à Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu, « Ne t'indiquerai-je pas un commerce, c'est-à-dire quelque chose de fructueux, quelque chose dans lequel il y aura beaucoup de gains pour toi. » Il répondit « Mais si, au messager d'Allah. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Que tu t'efforces de réconcilier entre les gens lorsqu'ils sont en désaccord et que tu les rapproches lorsqu'ils s'éloignent les uns des autres. » Comprenez maintenant la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit « Et ceci est encore plus clair avec ce qui est rapporté dans la sunna comme chose étonnante à ce sujet. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué et à légiférer pour nous toutes les causes afin de préserver l'union des musulmans et de s'éloigner des désaccords et de la division. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit « Puis la situation est devenue telle que la division sur les fondements de la religion et ses branches est désormais considérée comme étant la science et l'instruction en religion. » Aujourd'hui, les gens qui prétendent à la science, certains parmi eux aiment venir avec des choses différentes pour impressionner leur auditoire. Donc ils vont aller chercher des questions marginales parmi les questions religieuses, s'opposant à ce qui est connu chez les musulmans. Et ils pensent que ceci fait partie de l'instruction en religion. Celui-ci, il a de la science. Tu écouteras chez lui ce que tu n'écoutes nulle part ailleurs. On a tous entendu déjà cette parole. Des gens pensant que sous prétexte que quelqu'un vient avec des choses nouvelles, avec des choses qui sont inconnues par les gens, alors cela veut dire qu'il a plus de science que les autres. Alors qu'en réalité, il est en train de diviser la communauté. Il se peut qu'il appelle à des innovations, des choses qui ne sont pas légiférées. Et les gens considèrent cela comme de la science et de l'instruction en religion. Et de la même manière, on voit aujourd'hui un groupe de gens penser que la division en religion et le fait d'appeler à celle-ci et de refuser l'union, de refuser la conciliation entre les musulmans, de refuser la conciliation entre les étudiants en sciences, de refuser la conciliation entre les gens de science, ils pensent que ceci est de la fermeté sur la religion. Ils voient des prédicateurs, des partisans de la division, semer la discorde, refuser toute forme de conciliation et d'union, et ils te disent celui-ci est ferme sur sa religion. Il est ferme dans son égarement. Il est ferme dans sa transgression de la voie des salafs, dans sa transgression de ce fondement qui fait partie des fondements de notre religion, l'obligation de l'union et l'interdiction de se diviser dans celle-ci. Ensuite, il dit, rahimahullah, et celui qui soutient l'union en religion est considéré comme hérétique ou fou. Telle est la situation de beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu les appelles à l'union, tu les appelles à se réunir autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, tu leur rappelles ce fondement immense, qu'il est indispensable pour nous de nous unir en religion et que nous ne devons pas nous diviser sous prétexte qu'un tel a fait un lapsus ou qu'un tel a fait un faux pas et ainsi de suite. Alors, ils te considèrent, comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme hérétique ou fou. Certains iront même jusqu'à te taxer d'innovateur parce que tu les appelles à ce fondement qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a qu'à mentionner à ce sujet comme exemple la situation de grand nombre de personnes parmi les francophones aujourd'hui, qui ont été appelées par un groupe de prédicateurs à s'unir sur le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, les prédicateurs, salafis, francophones, se sont unis sur cela, ont écrit un communiqué à ce sujet, qui a été propagé parmi les gens, et certaines personnes, parmi les partisans de la division, ont considéré ceci comme étant une manière de causer des troubles. Allahu Akbar. Appeler au Coran et à la Sunna et à s'unir sur la voie des pieux prédécesseurs, à s'éloigner de toute forme de division, cela serait selon eux une manière de semer le trouble et de diviser les musulmans. Donc comme le dit le cheikh rahimahullah ta'ala, celui qui soutient l'union en religion est considéré comme hérétique ou fou. Tu les appelles à l'union et eux, ils disent que tu sèmes la division. Ils ont inversé les choses. Wallahul musta'an. Donc ce fondement, c'est un des fondements les plus importants parmi les fondements de la religion. Le fait de nous unir sur la religion et de ne pas nous diviser dans celle-ci. Il faut donc prendre garde à toute personne qui transgresse ce fondement et qui appelle à la division des musulmans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous unir sur la voie des salafs, la voie du Coran et de la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, le troisième fondement est que l'on compte parmi la perfection de l'union. C'est-à-dire que ce troisième fondement qu'il va nous exposer ici, ça va être un moyen de concrétiser le fondement précédent, l'union au sein des musulmans. Donc ceci nous montre l'importance de l'union, pour laquelle le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous expose un autre fondement parmi les fondements de notre religion qui nous permettra de concrétiser celui-ci. Il dit donc, le troisième fondement est que l'on compte parmi la perfection de l'union, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, même si c'est un esclave abyssin. Ceci fait donc partie des fondements de la religion de l'islam, des fondements des gens de la sunna et du groupe, l'obligation de l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité parmi les musulmans, et l'interdiction de se révolter contre celui-ci. Car si les musulmans se révoltent contre le détenteur de l'autorité, ceci mènera à leur division, ceci mènera au désordre, et ceci mènera au chaos, comme on l'observe dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et cette obéissance, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a lieu que dans le convenable. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc ce qui va nous être ordonné par les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Cela est de trois sortes. La première chose, c'est qu'il nous ordonne une obéissance, c'est-à-dire un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce sujet-là, il n'y a pas de problème. On lui doit écoute et obéissance, car cela fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est qu'il nous ordonne une chose qui est permise, permise dans la religion. Alors dans cela également, on lui doit écoute et obéissance. Également, s'il ordonne une chose faisant partie des sujets relevant d'un effort d'interprétation, dans les questions au sujet desquelles l'effort d'interprétation est admis, alors nous devons écouter obéissance au détenteur de l'autorité. À titre d'exemple, avec la situation que l'on vit actuellement, nombre de gouverneurs musulmans ont décidé, après consultation des gens de science et consultation des services de santé et des spécialistes, de suspendre les prières en commun dans les mosquées, afin d'éviter la propagation de ce virus. Il se peut que certaines personnes fassent un effort d'interprétation et estiment que, selon eux, cette décision ne serait pas nécessaire. Cela est possible. Toutefois, le fait de manifester cela et de dire que cette décision n'est pas juste, ou alors que l'on aurait pu faire autrement, ou appeler à contrevenir à cette décision sous prétexte qu'elle s'opposerait à l'effort d'interprétation d'un tel ou un tel, alors ceci est une forme de révolte contre les détenteurs de l'autorité. Car ceci est un sujet au sujet duquel l'effort d'interprétation est admis et qui revient à l'intérêt général. Et c'est donc au gouverneur de prendre les décisions en cela, et non pas aux individus de la société. Enfin, la troisième chose qui pourrait être ordonnée par un détenteur quelconque de l'autorité, c'est un péché. Alors dans ce cas-là, s'il ordonne un péché, on ne lui doit ni écoute ni obéissance. Car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et l'obéissance n'est que dans le convenable, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, tu ne lui obéis pas dans cet ordre particulièrement, mais tu lui dois toujours obéissance dans les autres choses qu'il ordonne et qui ne font pas partie de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit: Allah a expliqué cela de façon suffisante, sous divers aspects, religieusement et dans les faits. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il nous a ordonné clairement l'obéissance au détenteur de l'autorité. À titre d'exemple, il dit dans Sourate An-Nisa, au verset 59, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Vous voyez que c'est une parole très explicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lui obéir, d'obéir à son messager, et cette obéissance est une obéissance absolue, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire dans l'obéissance Allah et à son messager. Et les détenteurs du commandement qui sont visés dans ce verset, qui sont-ils? Les gens de science ont mentionné qu'ils représentent deux catégories de personnes, les savants et les gouverneurs. En effet, les savants, ce sont eux qui exposent aux gens la législation. Et ils invitent les gens à suivre la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur enseignent. Quant aux gouverneurs, ce sont eux qui vont exécuter la législation et imposer sa mise en pratique aux gens. Et le verset, il englobe ces deux catégories de détenteurs du commandement, les savants et les gouverneurs. Vous avez également en cela une réfutation de certaines personnes qui prétendent que l'on ne doit pas obéissance aux savants. Que si les savants nous ordonnent le bien, qu'ils nous ordonnent la conciliation, qu'ils nous ordonnent l'union, alors on ne doit pas leur obéir. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de leur obéir, il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. » Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également exposé ce fondement dans sa sunnah dans de nombreux hadiths. On trouve à titre d'exemple dans les deux recueils authentiques, d'après Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'écoute et l'obéissance, sur ce que l'on aime et ce que l'on déteste. Et ça, c'est très important. Parce que c'est facile d'obéir au gouverneur dans les choses que tu aimes. Mais parfois, lorsque c'est une chose que tu détestes, que ton âme réprouve, cela peut être plus difficile. Écoutez ici ce qu'il nous dit le compagnon. Nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'écoute et l'obéissance, sur ce que l'on aime et ce que l'on déteste, dans la difficulté et dans l'aisance. Dans la difficulté et dans l'aisance. Car il y a des gens, lorsqu'ils sont dans l'aisance, ne se soucient pas des gouverneurs. Mais lorsqu'ils sont dans la difficulté, lorsqu'ils manquent de ressources, lorsqu'ils manquent d'infrastructures ou autres, alors tu les verras s'éloigner de l'écoute et de l'obéissance au gouverneur et s'empresser de les dénigrer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne l'écoute et l'obéissance dans la difficulté et dans l'aisance. Même à notre détriment. Subhanallah. même à notre détriment. C'est-à-dire, même si c'est à ton détriment, en ce qui concerne les affaires mondaines, alors tu dois quand même écouter obéissance au gouverneur musulman. Car ceci est de l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Ensuite, il dit, et de ne pas disputer le pouvoir à celui qui le détient, sauf si l'on voit de lui une mécréance évidente au sujet de laquelle nous avons une preuve venant d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque voit chez son gouverneur une chose qu'il réprouve, qu'est-ce qu'il doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'il patiente. En effet, celui qui se sépare du groupe d'un enfant meurt d'une mort de la période pré-islamique. Ceci est une menace sévère. Celui qui se sépare du groupe d'un enfant, qui refuse l'écoute et l'obéissance au gouverneur, qui se révolte contre les gouverneurs, s'il meurt dans cette situation, il meurt d'une mort de la période pré-islamique, walayadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, quiconque retire une main de l'obéissance rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucun argument. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, écoutez et obéissez, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin. Et enfin, dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme musulman doit écouter et obéissance sur ce qu'il aime et sur ce qu'il déteste, sauf si on lui ordonne une désobéissance. Si on lui ordonne une désobéissance, alors il n'y a ni écoute, ni obéissance. Donc tous ces hadiths, comme vous le voyez, ce sont des preuves claires et indiscutables qu'il fait partie des fondements de l'islam et des fondements des gens de la sunna et du groupe que le musulman doit écouter et obéissance au gouverneur musulman. Quant aux faits, car le shir rahimahullah ta'ala nous dit, sous divers aspects religieusement et dans les faits. Dans les faits, on voit très clairement l'importance de ce fondement. Et il n'y a qu'à méditer sur la situation de la communauté islamique. Regardez auparavant, lors des premiers siècles, lorsque les musulmans étaient unis, accrochés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéissant et respectant leur gouverneur dans le bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient la suprématie sur terre. Puis lorsque la discorde et la divergence se sont répandues parmi les musulmans, qu'ils ont divisé leur religion et qu'ils se sont révoltés contre leurs dirigeants et sont sortis contre eux, transgressant ainsi l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'ils ont récolté comme fruit suite à cela? La crainte fut retirée des cœurs de leurs ennemis. Ils ont fléchi et perdu leur force comme on l'a vu dans le verset. Et les différentes communautés se sont regroupées contre eux et les musulmans sont devenus tels, l'écume du torrent. C'est-à-dire qu'ils sont devenus faibles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs avertis de cela dans un hadith authentique. Rapporté d'après Thauban, radiyallahu ta'ala anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Alors on lui dit, est-ce parce que nous serons peu nombreux ce jour-là au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce jour-là vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire que vous serez faibles. Allah retirera des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs al-wahan. Alors quelqu'un demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'al-wahan? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Donc si tu médites sur ce hadith, tu as l'impression que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit la situation de la communauté aujourd'hui, avec leurs ennemis regroupés autour d'eux, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos situations, gouverneurs et gouvernés, et de nous faciliter la mise en pratique de sa religion de la façon dont il aime et agrée, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le shir rahimahullah ta'ala nous dit, par la suite, ce fondement est devenu inconnu pour la plupart de ceux qui prétendent à la science. Alors, comment pourraient-ils le mettre en pratique? En effet, nombre de personnes, parmi ceux qui prétendent la science aujourd'hui, notamment, ceux qui passent sur les chaînes télévisées, ou ceux qui sont beaucoup suivis sur Internet, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ceux qui ont une certaine notoriété auprès de la masse des musulmans. Comme nombre de prêcheurs, parmi les prêcheurs de l'égarement, du groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin. Tu verras que ces gens-là, ce sont eux qui ont appelé les gens à transgresser ce fondement de l'islam, et qui ont appelé à la révolte dans les pays musulmans. En prenant en raillerie, des gens de la sunna, parmi les gens de science et autres, qui appellent à l'écoute et l'obéissance au gouverneur, en les appelant par exemple les adorateurs des gouverneurs, ou alors les savants du palais, et ainsi de suite comme on l'entend chez nombre de personnes parmi les gens de l'égarement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous ordonne l'écoute et l'obéissance au gouverneur, il nous a ordonné de les adorer. Est-ce que le fait d'appeler et d'inviter les gens à ce qu'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme écoute et obéissance au gouverneur, cela est une manière d'appeler à l'adoration des gouverneurs? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Toutefois, de par leur égarement et leur idéologie déviante, ces prédicateurs au mal, ces prédicateurs aux portes de l'enfer, ont mené grand nombre de personnes dans la communauté à la perdition, Allah musta'an. On a donc terminé ces trois premiers fondements que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposés, et qui font partie des fondements les plus importants, comme on l'a dit. D'ailleurs, on retrouve ces trois fondements réunis dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, certes, Allah a gré de vous trois choses. Que vous lui vouez un culte exclusif, sans ne lui donner aucun associé. Que vous vous accrochiez tous ensemble au câble d'Allah, et que vous ne soyez pas divisés. Et que vous fassiez preuve de loyauté envers ceux à qui Allah a donné l'autorité parmi vous. Ces trois choses sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gré de nous. Il incombe donc à chacun d'entre nous de faire des efforts pour concrétiser ces trois fondements qui font partie des bases les plus importantes de notre religion. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donner aucun associé. S'unir sur la religion et ne pas se diviser dans celle-ci. Et l'écoute et l'obéissance à ceux qui nous dirigent parmi les musulmans. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On verra les trois autres fondements dans l'assise de demain, bi'idhnillah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.